Au départ, ils n'étaient que sur Skyrock. Aujourd'hui, tu les entends partout. Skyrock Classics. Il est 18h01 et on déroge pas à la règle dimanche soir sur Skyrock. C'est Classic Skyrock Classics, la nouvelle émission qui déchire. On vous a ressorti les tout meilleurs sons de Skyrock depuis qu'on est premier sur le rap. Et franchement, ce soir, une émission de dingue. Écoutez un peu le programme pour le premier quart d'heure de l'émission. Voici Eminem, Just Lose It, Akon, Lil Wayne et Young Jeezy pour I'm So Paid. Et la Funky Family, si je les avais écoutés sur Skyrock, mettez-vous bien. C'est Skyrock Classics et c'est jusqu'à 20h comme tous les dimanches. Skyrock Classics avec Maxime, 18h-20h sur Skyrock. Skyrock. Premier sur le rap. To the dance floor. Now everyone report to the dance floor. Alright, stop. Pajama time. Come here, little kitties, on my lap. Guess who's back with a brand new rap? And I don't mean rap as in a new case of child investigation accusation. No worries, Papa's got a brand new bag of toys. What else could I possibly do to make noise? I done touched on everything but little boys. That's not a stab at Michael, that's just a metaphor. I'm just psycho, I go a little bit crazy sometimes. I get a little bit out of control with my rhymes. Good God, dip, do a little slide. Bend down, touch your toes and just glide up the center of the dance floor. Like TP for my bunghole, and it's cool if you let one go. Nobody's gonna know who'd hear it. Give a little poot poot, it's okay. My CD just skipped, and everyone just heard you let one rip. Now I'm gonna make you dance, get your chance. Yeah, boy, shake that ass. Oops, I mean girl. Girl, you know you're my world. Alright, now lose it. Just lose it. Go crazy. Oh, baby. It's Friday, and it's my day. Just to party, all the way to Sunday. Maybe till Monday, I don't know what day. Every day's just a holiday. Cruising on the freeway, feeling kinda breezy. Get the top down and my hair blow. I don't know where I'm going. All I know is when I get there, someone's gonna touch my spine. I don't mean to sound like a jerk, but I'm feeling just a little stressed out from work. Could you punch me in the stomach and pull my hair? Spit on me, maybe gouge my eyes out. Yeah. Now what's your name, girl? What's your sign? Man, you must be about your mind. Dre, beer goggles, blind. I'm just trying to unwind. Now I'm gonna make you dance, get your chance. Yeah, boy, shake that ass. Oops, I mean girl. Girl, you know you're my world. Alright, now lose it. Just lose it. Go crazy. Oh baby. It's Tuesday and I'm locked up, I'm in jail and I don't know what happened. They say I was running butt naked down the street screaming. I'm sorry, I don't remember. All I know is this much, I'm not guilty. They said save it, boy, we got you on tape. Yelling at an old lady, touch my body. Now this is the part where the rap breaks down. It gets real intense, no one makes a sound. Everything looks like it's 8 Mile now. The beat goes back and everybody lose their sound. Let's step back to reality. Look, it's B-Rabbit, are you signing me up to battle? I'm a grown man, chubba. I don't have any lines to go right here. So chubba tella tubby fellas. What? Fellas, grab your left, make your right one jealous. What? Black girls, white girls, skinny girls, fat girls, tall girls, small girls. I'm calling all girls, everyone report to the dance floor. It's your chance for a little romance or butt squeezing, it's the season. Just go, so appeasing. Now I'm gonna make you dance, get your chance. Yeah, boy, shake that ass. Oops, I mean girl. Girl, you know you're my world. Alright, now lose it. Just lose it. Go crazy. Rubbing on that Italian leather, them convict jeans on. You ready? Yeah. I get it until the sunrise. Doing 90 and a 65. Windows roll down, screaming now. Number one hustler, getting money. Why you wanna count my money? I'm a hustler and don't need man. One of y'all, you see. I see police on that crooked eye. Doing 100 on in the state, 9 to 5. My shorty leaning, blasting, I do or die. Wishing that I'm what I saw, I would, cause we certified. Got a system that'll beat and knock your wall off. Got a pump under my seat to start off. Got a bunch of goons, hope they never call off. I'm a sniper sitting on the roof, already saw y'all. Ain't too much to put a strain on me. That's the reason why I have to put the blame on me. I'd rather have them dollar bills rain on me than to let them haters come and make a name off me. That's why I get it until the sunrise. Doing 90 and a 65. Windows roll down, screaming down. I'm a one hustler getting money. Why you wanna count my money? I'm a hustler, no need man, wanna know. Why your voice so hoarse? I just sound like money, baby, I should have been a Porsche. Paint looking like a sugar-free Red Bull. I'm so paid, you know I keep a pocket full. And that's before the taxes. Took my whole gross debt and hid it under my mattress. I used to get bored and count 20s for practice. Paper therapy, we let the money relax us. Gold chains round my neck just like Michael Phelps. I made a killing in the water, killing with the water. Against all odds and I will not stop. They try to keep me on bottom but I prefer the top. And my project chick, I moved her next to Jock. She said the house was too small, I moved her next to block. So baby, get your ass up, I need an extra block. I told her do the speed limit and no extra stops. And that's I get it until the sunrise. Doing 90 and a 65. Windows roll down, screaming down. Number one hustler, getting money. Why you wanna count my money? I'm a hustler, and don't need them. One of y'all, you see. I'm the boss, it only takes one call. For Jai to hit you up and dump you off, and that's all. I won't be taking that fall. Homie, I got cake, that's what I'm paying them for. Ha-ha, ain't that funny? Gorillas, they want war, but ain't got money. Cause I seen them all talk until they start gunning. Quicker than Usain Bolt, the fastest thing running. Yeah, Akon, Weezy, Block Oil holding down Jersey. Divine, can show me getting it up front. My little brother Boo got that vision, baby. I get it until the sunrise. In a 65, windows roll down, screaming now. Yeah, number one hustler, getting money. Why you wanna count my money? I'm a hustler, no need man. One of y'all, you see. Big money, easy. White beater with the sink underneath it. How do I feel, bitch? I feel undefeated. Slam my fingers, disappear from the precinct, yeah. I'm ballin', we ball out. Ball till we fall until the ball bounds. I send some eyes with guns to y'all house, only to find out you live in a dollhouse. Damn. But I thought you was tough though. We carry choppers on our necks, call it cutthroat. We bury towers on the set that they come from. We no magic turn, we smoke the gun smoke. We ride first when we ride you in the hearse when you ride. I put my shoe down, baby, and I'm holding down young moolah, baby. That's why I get it until the sunrise. Doing 90 and a 65. Windows roll down, screaming down. Number one hustler, getting money. Why you wanna count my money? I'm a hustler, don't need man. One of y'all, you see. 18h-20h sur Skyrock. Skyrock Classics. Pour mon groupe de l'école de la vie et des enfoirés aussi. Où je serais si je les avais écoutés à cette heure-ci? Peut-être au Beaumette si les flics m'avaient passé les gourmettes. 213 chemin de Morchou, on connaît l'adresse. Honnête, je l'ai pas toujours été, je l'avoue. Avoir arrêté les études après tout ça, je m'en fous, c'est fait. Je suis ce que je suis et compte bien le rester. Je les attends de pied ferme, ceux qui comptent nous tester. À mes débuts, combien on crut me dégoûter. Moi-même, dit arrêté sur ce, j'ai bossé dur comme si de rien n'était. Voilà le résultat, une vengeance des plus classée. C'est mon esprit de revanche qu'ils auront renforcé. Merci à ceux qui n'ont jamais cru en nous. Voyez de vous-même, 4 ans après, malgré les vies qu'on mène, on forme qu'un. Je respecte ça et ça n'a pas de prix. C'est nous contre le reste du monde, le temps et son emprise. Merci aussi à nos mères et ceux qui étaient là dans tous ces sales moments. Sans vous, AFF ne serait pas ce que c'est en ce moment. Vos encouragements, tous étaient reçus. Après 100 000 ventes, on n'a pas perdu le vrai de vue de gaffe. Si je les avais écoutés, si j'avais été, je m'en fous. Mentalité d'excité, plus d'un douter du tout, rien de mieux à faire que de lutter. Bien équipé d'un flair de loup, pour pas rester dégoûté. Prenez toi être fier de nous. Si je les avais écoutés, si j'avais été, je m'en fous. Mentalité d'excité. Rien de mieux à faire que de lutter, bien équipé d'un flair de loup, pour pas fait sans savoir. Poussé dans une puissance qu'un riche ne peut avoir, que personne ne peut voir. Un truc unique et si sain qu'on a sans nous. Envie de vaincre, comment on peut dire qu'on a sans nous? C'est notre dernier espoir, donc faut pas décevoir. Si je les avais écoutés, j'aurais pas fait mon devoir. Et depuis, mon quartier me couvre malgré nos différents. Le gars tient le coup et y'a rien de différent dans mon crew. Si j'y étais, si j'avais été, rien à foutre. Toujours été bien dans ce que je mettais bien dans ce dur métier. Plus le temps de douter du doux sans se voiler la face, on peut goûter à tout. Mets-toi à nos places au cas où, dans ce monde, sois sans limite. Que la joie illumine ton visage, car dans ce monde, on s'élimine. Si je les avais écoutés, si j'étais, si j'avais été, je m'en fous. Mentalité d'excité, plus le temps de douter du tout. Rien de mieux à faire que lutter bien équipé d'un flair de loup. Faut pas rester dégoûté, qu'on ait de quoi être fier de nous. Si je les avais écoutés, si j'étais, si j'avais été, je m'en fous. Mentalité d'excité. Rien de mieux à faire que lutter bien équipé d'un flair de loup. Pour pas rester dégoûté, qu'on est quoi être fier de nous. Je médite, me dis que dans ce monde y'a trop de belles choses. Pour le moment je pose ma voix et accomplis un rêve de gosse. Si j'avais écouté certains, surtout ce serait éteint. Plutôt j'ai cru en mon destin, foncé d'aussitôt, claquer les portes du bahut avant que ses profs m'aient eu. Me suis rué vers un art de rue que les grandes gueules disaient perdu d'avance. Beaucoup ont eu confiance à ce qu'on faisait. Pour vous je peux le dire, on les a baisés avec un album osé. Causer quelques soucis à ma mère, remercie ma sœur d'avoir camouflé l'affaire. Que je puisse faire quelques concerts, ce texte concerne mes proches et les cloches. Je suis le fruit de vos reproches, j'ai pas fini dans la débauche. Je me débrouille et serai encore là pour casser les couilles en 2000 avec ma famille. Si j'étais, si j'avais été, je m'en fous. Mentalité d'excité. Si je les avais écoutés, si j'étais, si j'avais été, je m'en fous. Plus t'en douter du tout. 99, rien d'espèce. FF revient à l'essentiel. Inch'Allah avec l'aide du ciel. Si Dieu veut suivre, tu es de celle qui refait de nous la FR. Ne serait-ce que par rapport à eux, faut pas qu'on s'égare. Ce qu'on rappe, ça sort du cœur, un peu comme les paroles de nos mères à notre égard. Tu vois ce qu'on fait, c'est de l'art, de la rue, mais et c'est comme ça, et ça le restera. Juste histoire qu'on soit fiers de nous, et on fait notre devoir pour nos gars. Pour tout ce qui nous tient, c'est la FF, section Mouktou, Marseille. Section Mouktou, Marseille. Skyrock Classics. Classics. Kayla 2SIKS. 20h, c'est Skyrock Classics, uniquement sur Skyrock, les meilleurs sons de Skyrock. D'ailleurs, la semaine dernière, on s'était planté, on vous avait passé l'instrumental de Pony Ginwine, on vous l'a mis avec les paroles, voilà, voilà. Comme promis, on vous l'a mis version originale, hein, normale. Pony Ginwine à l'instant sur Skyrock, et un autre truc où il faut pas se tromper, c'est le jeu des 1500 euros, écoutez. Patrick, quelle est ta radio préférée ? Skyrock. Tu as dit. Skyrock. Tu as dit Skyrock. Est-ce qu'on. Ah, si tu nous le redis une fois, ça peut être bon. Allez, vas-y, Patrick. Skyrock. Bien, oui. T'as gagné 1500 euros, Patrick. Et ouais, c'est bien Skyrock la réponse, et le jeu sera de retour demain matin entre 6h et 9h dans le morning de Difool. 6h, 9h, vous répondez Skyrock au téléphone. C'est 1500 euros cash, soyez là, il y aura aussi des iPhone 6S à gratter. Et des Samsung Galaxy S7. Les portables qui déchirent et la thune, c'est demain à partir de 6h. Et le son qui déchire dès maintenant sur Skyrock. Skyrock Classics avec Nasty Girl, Notorious B.I.G, P. Diddy, Nelly. Il y a aussi Jennifer Lopez qui se prépare, Love Don't Cost a Thing. Et l'escadrille Sniper, c'est les bons moments en version Skyrock. 18h-20h, Skyrock Classics. The Biggie Duets. Jazzy Fizzle, Fizzle, Fizzle, Jagged Edge, Big Small. Ladies and gentlemen, I go on and on and on and don't take them to the crib unless they boning. Easy, call them on the phone and platinum Chanel cologne and I stay dressed to impress, spark these bitches' interest. Sex is all I expect if they watch TV in the Lex. They know, they know. Quarter past four, left the club tipsy. Say no more, except how I'm getting home tomorrow. Caesar drop you off when he see a D.O. Back of my mind, I hope she swallow. Man, she spilled the drink on my cream wallows. Reached the gate, hungry, just ate. Riffin', she got to be to work by eight. This must mean she ain't trying to wait. Conversate, sex on the first date. I state, you know what you do to me. She starts off, well, I don't usually. Then I whipped it out, rubber, no doubt. Step out, show me what you all about. Fingers in your mouth, open up your blouse. Pull your G-string down south. Do that back out, in the parking lot. Buy a Cherokee and a green drop top. And I don't stop, until I squirt. Jeans, skirt, butt naked, it all works. And I love my little nasty girl. No, I love my little nasty girl. I love my little nasty girl. All the ladies, if you want me, grab your tits. B.I.G. My little nasty girl. You're not like Nasty Girl. I need you to dance, I need you to strip, I need you to shake your little ass and hips. Let's go. I need you to grind like you're working for tips, and give me what I need while we listen to Prince. Cause miss, you ain't seen the world yet. Rock La Pearl yet, rock them pearl sets. Flew in a pearl jet. My style make a low profile girl smile. Blow a chick back like I blow through a trial. And now you and me can drink some Hennessy, then we get it on. Mad women wanting the bone Sean Combs, yeah. Sipping on Patron. Speeding, be leaning, got a fiend. Don't stop. And when I get to you, throw it right back, right back. And tell me, did he, yeah, I like it like that. Like that. Lift your shirt, you know how I flirt. Heels and skirts, let's take it off. Now let's work. Let's work. Gonna love my little nasty girl. What? Got the keys from Diddy. Come in and lick and no stress. Meet us upstairs in your best. Yes. Dress to impress. Spark this bitch's interest. Jazzy on the beat so sweet. Ladies, know your favorite broken titties from B.I.G. Okay, mom, what's your preference? Nice and slow, all fast and reckless. Who you heard, girl, bite your necklace. Let me show you what a nigga from the Lou was blessed with. Hey, I make spring a leap. When I'm done, I flip the mattress, change the sheets. I'm like a radical one, I vibrate a little more than your mechanical one. Girl, titties to your thong. Either way, my mama make it do what it do. Girl, I'm about to make you come. Guaranteed when you're fucking with me. Cause I go on and on and on. On and on and on. You hear me? Ladies, if you feel me, the ballet, knew that it was game when you looked at me, pulling up your sleeve so I could see the rollie blade. Saw you later in the corner booth, raising up a toast so I would notice you. But your heart's a mess, think you ought to know. Doesn't matter if you're balling out of control. Chance, thought you'd understand. Baby, credit cards are in romance. So you're trying to buy what's already yours. What I need from you is not available in stores. Seen inside of you that I really feel. Doing way too much, never keep it real. If it doesn't change, gotta hit the road. Now I'm leaving with my keys, I've got to go. Classics, animé par Maxime. Ce n'est que nous, wesh, Trésor et César, l'escadrille, Charles. Pour Skyrock. T'inquiète qu'on a aussi nos bons moments. Je me sens dans mon élément. Car en vrai, on gollerie plus qu'on pleure. La Tessie, c'est Rami. Mais on vit plus qu'on meurt. Partout pareil, chez moi, c'est bien quelque part. Mais y'a pas de foot en salle. Car y'a pas de salle à Guelphard. Notre seul sport, y'a les stars, top départ. Le cul sur un banc, on se tape des bars. Laisse-moi appeler, paye ta canette, roule un spar. Venez, on part à Anvers ou à Dame d'Elsba. On se barre. Paye la réçoit sur un coup, j'ai pris, on se barre. Barbecue dans le que part, dans le poste, pas d'un All Star. Et les petits qui me demandent si je suis César. Ils sont nombreux comme les frères là-bas. Vas-y, sors de ton. On se casse à Dakar ou Rabat. Ça parle voyage, des parts de rire sur les souvenirs. Et quand il était pas gars, tu fais juste des sourires. Chat, c'est mon ghetto et je l'aime. Laisse-moi, ça me fait kiffer. J'suis dans mon élément, ma ghetto réalité. C'est tellement chose, sans moi te l'expliquer. Ici les vibes sont trop bonnes. J'suis dans mon petit, donc laisse-moi, ça me fait kiffer. J'suis dans mon élément, ma ghetto réalité. C'est tellement chose, sans moi te l'expliquer. Ici les vibes sont trop bonnes. Yeah. Je vais rien faire avec les frères, c'est ce genre de moment que j'apprécie à part ça. Parce qu'en s'il y a du bête de bédotasse, les bolos s'affluent et tout le monde a son perso. Celle-ci c'est pour ceux avec qui je tue le temps. Et je compte même plus tous les wanges que j'ai tilté. Je suis cheaté tout le temps, moi je suis un chat noir et je pue la galère. De bras cassés pour un plan gage. Dans mon élément, le tier carré l'ambiance. Ni j'tard ni ambulance, juste moi posé sur le banc. Comment ça c'est la demeure. J'ai vu pire et je suis full up. Et si dans ma tête c'est la guerre, j'ai pas grandi dans une roulotte. Pour les bons et les roulottes, un ballon, un survêt de crade. Et le parc de Prince devient un city stat. C'est un long roman de bons moments et tout le temps. C'est fumé de play et break shot. Laisse-moi, ça me fait kiffer. J'suis dans mon élément, ma ghetto réalité. C'est tellement chose, comment te l'expliquer. Ici les vibes sont trop bonnes. J'suis dans mon petit, donc laisse-moi, ça me fait kiffer. J'suis dans mon élément, ma ghetto réalité. C'est tellement chose, comment te l'expliquer. Ici les vibes sont trop bonnes. Yeah. Ouais, j'suis dans mon élément.

5, 3, 5, 7 pitons. Passe mon jump, roulette. Dans la surface, pénètre. Grosse frappe dans les 6 mètres. Punchline dans la lunette. On aime ce qu'ils détestent. Ils détestent ce qu'on aime être. 9, 4, 3, 3. Val de mitraillette. 9, 4, c'est le passa. 9, 4, c'est le passa. 9, 4, c'est le passa. 9, 4, c'est le passa. 9, 4, c'est le passa. 9, 4, c'est le passa. 9, 4, c'est le passa. 9, 4, c'est le passa. Je ne joue que pour marquer. Les jaloux veulent me tacler. Je sais pas si t'as remarqué, mais ton ballon d'or il est plaqué. Jette ton flow, il est claqué. Même ta vie elle est calquée. Nous on s'est mis à rapper pour ne pas se déférer au parquet. Ça parle d'il est, d'il est. Ça prétend d'il est, d'il est. Ça raconte que des phrases. Ça fait fêler, fêler. Ça arrête de saigner, saigner. Mais leur CD, CD. Messieurs, prenez, prenez. Vous êtes relais, relais. Câble. 9, 4, c'est le passa. 9, 4, c'est le passa. 9, 4, c'est le passa. 9, 4, c'est le passa. 9, 4, c'est le passa. 9, 4, c'est le passa. 9, 4, c'est le passa. 9, 4, c'est le passa. Juste à cote postale, demande à Ménès comme c'est brutal. Comme Valdez, faut le pare-balles. Le respect, il est vital. Le penalty, est frontal. Les coups francs se tirent en rafale. Il faut du cran comme à Vidal. Coup de tête, on te zidane. High kick, on te slatane. Transfert, on te banane. Marseille, Paname. Le game est physique, physique. L'arbitre, c'est le légiste, légiste. Les tireurs sont d'élite, d'élite. La mort est subite, subite. Paris, c'est magique. Distille, parfois, c'est tragique, tragique. Grosse prod inédite, yeah. Stanley Music 9, 4, c'est le passa. 9, 4, c'est le passa. 9, 4, c'est le passa. 9, 4, c'est le passa. 9, 4, c'est le passa. 9, 4, c'est le passa. 9, 4, c'est le passa. 9, 4, c'est le passa. 9, 4, c'est le passa. 9, 4, c'est le passa. 9, 4, c'est le passa. 9, 4, c'est le passa. 9, 4, c'est le passa. 9, 4, c'est le passa. 9, 4, c'est le passa. 9, 4, c'est le passa. Skyrock Classics, 18h20 sur Skyrock. All away. I might be shy on the first day. What about the next day? away. You're bugging on the first day, what about the next day? Skyrock Classics, 18h-20h tous les dimanches avec les meilleurs sons de Skyrock. Alia version Skyrock Try Again, c'est ce qu'on écoutait à l'instant. On vous prépare du très gros son avant 19h. C'est Drake qui débarque en file au Canada. Started from the bottom. Il le dit Doc mieux. Il le dit mieux que moi. Et attention, je vous ai ressorti les Fugees. Rumble in the Jungle, c'est la bande originale d'un film, When We Were Kings. Film de boxe qui avait cartonné à la fin des années 90. Le son à écouter tout de suite sur Skyrock. Fugees et Drake, Skyrock Classics. C'est à écouter avant 19h. T'écoutes Skyrock Classics, 18h-20h sur Skyrock. Avec Jackie et Benji, le bilan en version Skyrock. Ouais, il y avait tellement de l'ambiance à cette époque-là. Et comme nous étions des beaux garçons. Et c'est-à-dire que quand je vois que nous fêtons nos 18, nos 30 ans aujourd'hui, alors qu'on fêtait 18 ans hier. C'est vrai. Et Skyrock passait le bilan comme les voitures. T'entends pas ou quoi? C'est fou ce que le temps passe vite. Ta vie, c'est ce que je me dis aussi quand je vois le chemin qu'on a parcouru jusqu'aujourd'hui. Je repense à notre temps, pas toujours aisé, sans trop dramatiser. Ce n'était pas toujours ce qui nous a motivés. L'esprit était Janek, marron, petit vagabond à tête grainée. On préférait sécher les cours et rester svané au quartier. L'excès de curiosité était tel qu'on s'enjaillait en suivant les aînés qui étaient pour nous des modèles. À l'époque, dans les halls, les gangs, Drex, Murph, parfois se rebellent. French Boy, B-Boy représentait Gare Charcel. Appel. Il y avait des bandes et des gangs, il y avait même des gangbangs. C'est vrai qu'on vendait à peine, mais on voulait déjà jeunes. Kiff nos ambitions, objectif, devenir quelqu'un, un point commun, celui de réussir par tous les moyens. Maintenant je comprends Benji que quand on était gamin, on avait le même itinéraire, mais pas le même destin. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement, se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement, se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Benji, tu te souviens ce qui nous a donné l'envie d'écrire? L'oreille scotchée sur nos voix, d'écouter MC qui déchire. De là nos premières rimes, des jeux de mots, puis les jeux de scène ne cessent de s'enchaîner. Des MJC au sous système. Et puis en un éclair, nous voici sous les projecteurs. On s'adapte et on domine, professionnel ou amateur. Tu le sais, c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Au sommet des hits de là, tout s'est passé si vite. C'est boule de neige, premier album, studio, promo, clip, vidéo. Les necks marrons s'exportent en live et prennent tous les publics. Dans les quatre coins de la France, on est parti foutre le dawa. Comme dans les avant-premières de style petit foutu, ils arrivent pas. On a tout déchiré le 22 mai à l'Olympia. On baptise le concert mythique avec tout le secteur A. La musique m'a mis au fichal, qu'est-ce que j'aurais fait sans elle. J'ai esquivé les plans coups de sol sur Skyrock qui grâce à elle. Le temps passé, passé, passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé. On fait le bilan, calmement se remémore en chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Le temps passé, passé, passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé. On fait le bilan, calmement se remémore en chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Le temps passe, le temps passe. Le temps passe et passe et passe. Et sur Skyrock que ça se passe. Le temps passe, le temps passe. Le temps passe et passe et passe. Et sur Skyrock que ça se passe. Le temps passe, le temps passe. Le temps passe et passe et passe. Et sur Skyrock que ça se passe. Le temps passe, le temps passe. Le temps passe et passe et passe. Et sur Skyrock que ça se passe. On est là, tonton. C'est dangereux, tonton. Tabasque. La première fois, c'était sur Skyrock. Skyrock Classics. Started. Zombie on the track. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team here. Nigga, started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now my whole team here. Nigga, started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team fucking here. I done kept it real from the jump. Living at my mama's house, we'd argue every month, nigga. I was tryna get it on my own. Working all night, traffic on the way home. And my uncle calling me like, where you at? I gave you the keys, so you bring it right back, nigga. I just think it's funny how it goes. Now I'm on the road, half a million for a show. And we started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team here, nigga. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team fucking here. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team here, nigga. Always tell stories about the men. Say I never struggled, wasn't hungry, yeah, I doubt it, nigga. I could turn your boy into the man. There ain't really much out here that's popping off without us, nigga. We just want the credit where it's due. I'ma worry about me, give a fuck about you, nigga. Just as a reminder to myself, I wear every single chain, even when I'm in the house. Cause we started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team here, nigga. No new niggas, nigga, we don't feel that. Fuck a fake friend, where your real friends at? We don't like to do too much explaining. Story stay the same, I never changed it. No new niggas, nigga, we don't feel that. Fuck a fake friend, where your real friends at? We don't like to do too much explaining. Story stay the same through the money and the fame. Cause we started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team here. Nigga, started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now my whole team here. Nigga, started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team here, nigga. Skyrock Classic Classics, 18h-20h. I wanna win my title and walk down the alleys, settle the garbage can with a wine. Refugee camp, Ali Boulaye. Yes, yes, trying to hold on in the jungle. Come on! Morning, baby. Send me an angel in the based in Bootsy Collins. You versus me, that's like Ali versus Foreman. God's act, stand back and watch. Devil's timeout can't be timed with no swatch. Yeah. People all around, you got to recognize and witness this mister who's swift enough to knock you out with Mike Fitness. Hands blister from holding mics tight. Some say it's fight night. We'll throw the R after the F, cause I'ma take away your breath. The bell rings, and now it's just a daily operation. Yo, you soft like lubrication. You can't see this occupation. So when I'm, and you know we hail from Q, Burrow, L. Brooks, and Cluster Trainers, Roswell. Yo, we used to fight the bullets with the pigskin cases. Now we perfect slang like a gang of street masons. Orders from only God, only war. When it's jihad, see Ali appears as Zaire to reconnect 400 years. So we the people, dark but equal, give love and such things to the man who made the fam. Remember when we were kings? Hearts on fire, so on fire tonight. Robbing blue collars, hey, yo, we robbing blue collars. Killing for a dollar. Amazing grace over $2 plate. One roll, snake eyes like Jake the Snake. Many lies put up the stakes. Watch, I sense that the Great Lakes, you and I cannot see eye to eye, so therefore we can't relate. I'm here when I make myself crystal clear. You fled to Cape Fear when I lace you up in Zaire. Tussle with a lasso in the Royal Rumble. The brave boys come in the concrete jungle. I remember when Cassius Clay flipped the script, taking trips to Zimbabwe. Africans started calling the god Ali Umaye. So bright, it beat the god-stricken, god nutrition. Lightning-stricken, blows that feel like you was poison bitten. Ha, y'all, I'm about to blister you with your sister. Predicting every ass whipping me for my bites, my... This be your last warning once you walk right past the doorman. Ali informing, gon' lock. Skyrock Classics, 18h-20h, tous les dimanches soirs, pour bien terminer le week-end avec les meilleurs sons de Skyrock. C'était Rumble in the Jungle, le son des Fugees, et je vous rappelle que c'est la bande originale d'un film qui est sorti en 96 sur l'histoire du combat entre Mohamed Ali et George Foreman. C'est de la boxe, le film s'appelle When We Were Kings, et il avait récolté l'Oscar du meilleur film documentaire en 1997. Il est 19h01, on est reparti pour une nouvelle heure de Classics, maintenant avec Old Dirty Bastard. C'est Got Your Money, c'est ce qu'on écoute tout de suite. Derrière, il y a Kid Ink et Chris Brown qui se préparent pour Show Me, et Kool Shane Rof Dadou, l'avenir est à nous sur Skyrock. Skyrock Classics avec Maxime. 18h-20h sur Skyrock. Skyrock. Skyrock. Premier sur le rap. All the pretty girls in the world, in the world, and the ugly girls too. That's what you pretty anyway, baby. You give me your number, I call you up. You act like your pussy on interrupt. I don't have no trouble with you fucking me, but I have a little problem with you not fucking me. Baby, you know I'ma take care of you, cause you say you got my baby and I know it ain't true. Is it a good thing? No, it's bad, bitch. For good or worse, makes you switch. So I walk on over with my crystal. Bitches, niggas, put away your pistols. Dirty won't be having it in this house, cause bitch, I'll cripple your style. Now that you heard my charming voice, you couldn't get another nigga. Your coochie won't get moist. If you wanna look good and not be bummy, yo, you better give me that money. Baby, I got your money, don't you worry. I said, hey, baby, I got your money, don't you worry. I said, hey, baby, I got your money. Yo, So I glanced at the girl, girl glanced at me. I whispered in the air, you wanna be with me? You wanna look pretty though, in my video. Oh, dirty on the hat and I let you all know. Just dance if you caught up in the Holy Ghost trance. If you stop, I'ma put them killer ants in your pants. I'm the ODB, as you can see. FBI, don't you be watching me. I don't want no problems cause I put you down in the ground where you cannot be found. I'm just dirt dog trying to make somebody. So give me my streaks and give me my honey. Radios play this all day, every day. Recognize I'm a fool and you love me. None of you know, better look at me funny. No, you know my name down, give me my money. Hey, dirty, sing it. Baby, I got your money. Sing it, girl. I said, hey, just sing it right now. Baby, I got your money. And 31 is hey, I think dirty, y'all should give him his money. Baby, I got your money. That's how I like you, girl. Like this all night. Bitches, put your ass out, let me hold it tight. You're looking at my wrist, ain't this so nice? The price, bitch, is diamond, shining, disco line. You better help me solve my problem. I'ma get this money and rob them. Lucky dog when I won the lotto. Ran up on my car, I'm carrying Rollo. But hold on, you can call me dirty and then lift up your skirt. And you want some of this dirty. God made dirt and dirt bust your ass. Stop annoying me, yeah, play my music loud. And take the batch of no dirty to move your crowd. And say he had his dick in his mouth. Eddie Murphy taught me that back of the house. But give him the money. Sur Skyrock, Skyrock Classics. Baby, yeah. Mother on la vie. Let me put your panties to the side. I'ma make you feel alright. Cause I'ma give you what you need, yeah. Everything just right. B said, put it to the left, don't listen to the hype though. Got a cup in your hand, baby sitting, but you ain't got no kiss. We ain't leaving till it ain't no more left. Can't see no time on the Rolex. I can tell you a freak gon' show it. Looking for the after party with a dough at. Dough on the flow like a dough mat. Baby, you know where to throw that. I said, tell me what your name is. I don't really care who you came with. Unless you got a couple friends look like you. My bad if my ex try to fight you. Roll up soon as I roll in. Security better get with the program. Too deep, ain't nowhere to stand. So high, ain't nowhere to land. You remind me of something missing. Misses, you got my full attention. Listen, let go of the tension. If I get a minute, I'll put your bad ass in detention. Put your panties to the side. I'ma make you feel alright. Cause I'ma give you what you need, yeah. Mommy, you remind me of something. I don't know what it is. You remind me of something. I gotta show it.

ain't that nigga tryna holler cause I want some head. I'm that nigga tryna holler cause I want some bread. I could care less how she perform when she in the bed. Bitch at that track, catch a date and come and pay the kid. Look baby, this is simple, you can't see. You fucking with me, you fucking with a P-I-M-P. I don't know what you heard about me. But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking P-I-M-P. I don't know what you heard about me. But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking P-I-M-P. I'm about my money, you see. Girl, you can holler at me if you fucking with me. I'm a P-I-M-P, not what you see on TV. No Cadillac, no greasy. Head full of hair, bitch, I'm a P-I-M-P. Come get money with me if you're curious to see how it feels to be with a P-I-M-P. Rolling the pins with me, you can watch the TV from the backseat of my V. I'm a P-I-M-P. Girl, we could pop some champagne and we could have a ball. We could toast to the good life, girl, we could have it all. We could really spurge, girl, and tap them all. If ever you need someone, I'm the one you should call. I'll be there to pick you up if ever you should fall. If you got problems, I can solve them, they bigger than small. That other nigga you be with ain't about shit. I'm your friend, your father, and confidant, bitch. I don't know what you heard about me. But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking P-I-M-P. I don't know what you heard about me. But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking P-I-M-P. I told you fools before, I stick with the tools. I keep a Benz, some rims, and some jewels. I holler at a hoe till I got a bitch confused. She got on Payless, me I got on Gator shoes. I'm shopping for the chillers, and the summer the cheaper. Man, it's so you can have her, when I'm done I ain't gon' keep her. Man, bitches come and go, ain't nigga pimpin' no. This ain't a secret, you ain't gotta keep it on the low. Bitch, shoes on me, I hear you strippin' in the street. Put my other hoes down, you get your ass beat. Now nick my bottom bitch, she always come up with my bread. The last nigga, she was whipping stitches in her head. Get your hoe out of pocket, I put a charge on the bitch. Cause I need four TVs and AMGs for the six. Hoe make a pit rich, I ain't paying bitch. Catch a date, suck a dick, shit. Trick. I don't know what you heard about me. Yeah. But a bitch can't get a dollar out of me. Woo. No Cadillac, no perms, you can't see. Uh-huh. Then I'm a motherfucking P-I-M-P. I don't know what you heard about me. Uh-huh. But a bitch can't get a dollar out of me. Yeah. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking P-I-M-P. Yeah. In Hollywood, they say there's no business like show business. In the hood, they say there's no business like hoe business. You know, they say I talk a little fast, but if you listen a little fast, I ain't got to slow down for you to catch up, bitch. Yeah. C'est Skyrock Classics, le hip-hop à son meilleur tous les dimanches entre 18h et 20h, 50 Cent. 50, c'était P.I.M.P, c'est ce qu'on écoutait à l'instant. Et attention, du hip-hop à découvrir la semaine prochaine. Ce sera entre 20h et 21h dans l'émission rap de référence et Planète Rap avec Fred et Sultan pour la découverte de Condamné à Régner, le nouveau projet de Sultan qui sera dans les bacs vendredi prochain. Ça démarre demain, juste avant 20h. Soyez là. Et Skyrock Classics, ça continue avec LL Cool J. Gros son rap US pour bien terminer le week-end. Dimanche soir, c'est Skyrock Classics. LL Cool J, c'est ce qu'on écoute tout de suite. Juste après, il y aura Iggy Azalea, Fancy et 113-113 pour Marginal sur Skyrock. Skyrock Classics, tous les dimanches, 18h-20h sur Skyrock. I've been watching you from afar for as long as I can remember. You're all a real man can need and never ask for. This is love, girl. This is more than a crush. It was Harlem at the Ruckers, yeah. I saw you with your man, smiling, huh, a coach bag in your hand. I was laying in the coupe with my hat turned back. We caught eyes for a moment, and that was that. So I skated off as you strolled off, looking at them legs, goddamn, they look so soft. I gotta take you from your man, that's my mission. If his love has really got to handle competition, you only knew him 5 months. Besides, he drink too much and smoke too many. And I be working out every day thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view, catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it, I ain't had a crush in years. Hey love. Stop waiting every day. Your man must think it's safe for you to travel that way. And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush, that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams, tonguing you down with vanilla ice cream, kissing on your thighs under moonlight, searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. What your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs, but there's a deeper level if you follow our lead. Hey love. Last week I saw you at the mall, standing at the payphone about to make a call. I had a vision, it was me on the other end, telling you come by, and then you walked in. I touched you gently with my hands. We talked about traveling to distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly and you yearned for more. We experienced pleasure unparalleled. Into an ocean of love we both fell, swimming in the timeless currents of pure bliss. Fantasies interchanging with each kiss. Undying passion unites our souls. Together we swim until the point of no control. But it's a fantasy, it won't come true. We never even spoke and your man sway love you. So I'ma keep all these feelings aside. That's right. Keep my dreams alive until the right time. Yeah. Yes. Skyrock Classic Classics, 18h-20h. First things first, I'm the realest. Realest. Drop this and let the whole world feel it. Let them feel it. And I'm still in the murder business. I can hold you down like I'm giving lessons in physics. Right, right. Right. You should want a bad bitch like this. Huh? Drop it low and pick it up just like this. Yeah. Cup of Ace, cup of Goose, cup of Chris. I heal something worth a half a ticket on my wrist. On my wrist. Taking all the liquor straight. Never chase that. Never. Stop like we bring an 88 back. What? Bring the hooks in where the bass at. Champagne spilling, you should taste that. Over all, I thought you knew that I'd be the IGGY, put my name in bold. I've been working, I'm up in here with some change to throw. I'm so fancy, you already know I'm in the fast lane from LA to Tokyo. Turn it up. stunt how you love that. Got the whole world asking how I does that. Hot girl, hands off, don't touch that. Look at it, I bet you wishing you could clutch that. That's just the way you like it, huh? It's so good, he just wishing he could bite it, huh? Never turn down nothing, slain. Go trigger on a trigger like so fancy. Ils ont tous démarré sur Skyrock. Démarré sur Skyrock. Skyrock classique. Au-dessus des lois, tout comme moi. Marginal. 113. 113. 113. T'imagines pas ce qu'on a dans la tête. Alcoolique, nocturne, octambule. La résine dans les fesses urine, toujours ce qu'on accuse. Dans toutes les combines, les réseaux, les plaques tournantes. Là où ça turbine, la source où ça s'alimente. Hors la loi qui se considère en légitime défense. Rebelle, robuste, face à la rengaine, des gaines, des gus. Attrape alcool, le barman, j'ai la forme des grands jours. Les jeunes Ken, c'est après qu'ils se disent bonjour. Disjonctés, armés, mappés, les factures et les pots cassés. Même endetté, honnête, tâté, palpé. Marginal, arrête-moi si tu peux. La nuit nous appelle, manipule l'euro. Pense au capital, au monopole. Jusqu'en affolé Interpol. On a nos propres langages et nos codes, bolos. Envoie la caille à ce qu'on décolle. C'est comme si le monde tournait sans toi. Au-dessus des lois tout comme moi. On vit au cœur des blocs avec nos règles. Mais personne pourra briser nos rêves. C'est comme si le monde tournait sans toi. Au-dessus des lois tout comme moi. Stressé, oppressé, même blessé. On a la rage pour encore encaisser. J'ai croqué, star du ring, star des brinks. Un brolic dans la pocket, fuck it. Souvent à l'ombre, allonge, on claque aucune emboîte. Ressort bourré, on sort la file de gauche. Crois à l'ombre, connais les filets plus dépravés. Stringé au pas en poche, un doctorat de ménage. J'aime les vigiles, les visites, les hommes virils. Trois coupes de champagne, 2 grammes dans le mélange. On évite les commerces, chez nous de vrais paparazzi. De peur des réactions des paparazzous. Tous les jours à l'ouïe, sans porte-flingue. Bougez par contre une masse, injoignable sur ces deux mobiles. On dort jamais, Smirnoff Ice, tous fichés, postichés comme chouchou de la place Clichy. Tous malades, plus bas, Francis Lalanne en marge. Impulsion à chaque seconde, emmerde le monde. C'est comme si le monde tournait sans toi. Au-dessus des lois, tout comme moi. On vit au cœur des blocs avec nos règles. Mais personne pourra briser nos rêves. C'est comme si le monde tournait sans toi. Au-dessus des lois, tout comme moi. Stressé, oppressé, même blessé. On a la rage pour encore encaisser. On peut pas tenir en laisse, marginal. Uni comme François Bess et Jack Mess, marginal. T'imagines pas ce qu'on a dans la tête, hein? T'imagines pas ce qu'on a dans la tête. Banlieue sud, prince du goudron, de l'envergure. Comme les barons de la drogue en Amérique du Sud. Manque d'oseille, tant que ça rentre, jamais tu t'arrêtes. Gardable, de prends ta pite jusqu'à Bucarest. Une cigarette, une barrette, un garçon speed, même en charrette. Au cœur de l'action, son propre patron à la fois nul, paraît partout, hein? Qui tue le bise comme les partout. On va pas refaire le monde, chacun a sa ligne de conduite. Ceux qui transpirent la grosse goutte sont les suspects à ce qu'on dit. Pas de diplôme, pas de job. Considéré comme s'il avait 2 bras en moins ou pas de jambes. Pas de chance, pas le temps. Dans une cadence infernale, marginale, jusqu'au pas de danse. Ce qu'on vit, c'est à 200% de conviction. On se méfie de ce qu'on dit, à qui on se confie. C'est comme si le monde tournait sans toi. Au-dessus des lois, tout comme moi. On vit au cœur des blocs avec nos règles. Mais personne pourra briser nos rêves. C'est comme si le monde tournait sans toi. Au-dessus des lois, tout comme moi. Stressé, oppressé, même blessé. On a la rage pour encore encaisser. Skyrock Classics, 18h-20h tous les dimanches. Premier sur le rap avec le 113. 113, hey, c'était marginal. À l'instant, il y a un programme de ouf qui se profile. Une grosse soirée encore ce soir, comme tous les dimanches, hein. D'ailleurs, à partir de 20h, dans moins d'une demi-heure maintenant, le Hit US, ce sera les 10 cartons rap R&B aux États-Unis, les 10 meilleures ventes. Et puis à partir de 21h tout à l'heure, le meilleur de D-Fool, la plus grande radio libre de France, la spéciale du dimanche avec Jay-Z comme invité ce soir. C'est Vincent qui s'occupe de vous, qui vous mixe tout ça à partir de 21h tout à l'heure. Et le son Skyrock Classics, encore une demi-heure avec Rof, la grande classe, c'est ce qui se prépare. Il y a aussi Outkast avec Mrs. Jackson. C'est juste après West Side Connection et Ice Cube. Voici Bow Down sur Skyrock Classics. The world is mine, nigga, get back. Don't fuck with my stack. The gauge is whacked. About to drop the bomb, I'm the motherfucking Don. Big fish in a small pond. Not a fish trying to throw they book at the crook, but I shook. They worm and they hook. Guppies hold they breath. They wanna miss me when I'm tipsy. Running everything west of the Mississippi. It's the unseen, pulling strings with my pinky ring. We got your woman pucker up, but we fuck her up. Bow down before I make a phone call. Got 25 niggas running up on y'all for the cheese. We want them keys. Everybody freeze on your knees, butt naked, please. Before any of you guppies get hurt, nigga, rewind my part, fool, and bow down when I come to your town. Bow down when I'm west with bam. Bow down. I ain't a hater like you. Bow down to a nigga that's greater than you. I take 10 steps and I draw. Now who's this in the mad ass Inglewood edition? I bust like a pimple, my mind is still mental. The west side connects with me in South Central. When the drag from the zigzag can't fuck with the Phillies, holding down the Wild West like the kid they call Billy. Once again it's Mac 10, the gold crown holder, strong as a Coca-Cola with a chrome pistola. Now who wanna fuck so I can bust when I cuss? My look bring your fear with gear from the surplus. Since a teen I chase the green, the crack scene king. Lolo's, corniches, and baguettes on my pieces. So recognize these real cheese. Chase the cheese, the west side connect. Keep it rolling like gold D's. Three wheeling and dealing, it's like the California style. But in the meanwhile, in my town, you got the bow. Bow down when you come to my town. Bow down when I'm westward bound. Bow down because I ain't a hater like you. Bow down to a nigga that's greater than you. Well, it's that Chuck wearing, still sporting a beanie. Yeah. The shadiest nigga when a click who wanna see me. Gas, I slide my notes on, let my khaki sing. West side, connect gang, bing, bing, bang. Run away, gonna get your punk ass laid by this H, double O to the D to the STA. Fuck hotter than, I'm gang related, simple and plain, which means I can give a fuck about you niggas in this rap game. Flashy niggas get stuck up, beat the fuck up. When you come around, keep your chain tucked from this 00 apostrophe, yes shit. Fuck a studio lyricist, I'm real with this. Talk the talk, walk the walk. Diss me your wax, I'm tryna saw your whole fucking head off. Yeah, I'm platinum bound, so bitch shut up. And nigga, while y'all could kiss my Converse like show me. Bow down when I come to your town. Bow down when I'm west with bam. Bow down cause I ain't a hater like you. Bow down to a nigga that's greater than you. Bow down when you come to our town. Bow down when we west with bam. Bow down cause we ain't no haters like you. Bow down to some niggas that's greater than you. Yeah. Tell you something, gangsters make the world go round. So you ain't got the clown. But if you live on the west side of your town, make them other fools bow down. West Side Connection, the world belongs to us. Bow down. Bow down. Bow down. Bow down. When you come to our town. Bow down. When we westward bound. Bow down. Ain't no haters like you. Bow down to some niggas that's greater than you. Skyrock Classics, les éternels de Skyrock en version originale. Yeah, this one right here goes out to all the babies, mamas, mamas, mamas, mamas, baby mamas, mamas. Yeah, go like this. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. My baby is drama, mama. Don't like me. She's doing things like having the boys come from her neighborhood to the studio trying to fight me. She need to get a piece of American pie and take her bite out. That's my house. I disconnect the cable and turn the lights out and let her know her grandchild is a baby and not a paycheck. Private school, daycare, medical bills, I pay that. I love your mom and everything. See, I ain't the only one who lay down. She wanna rip you up and start a custody war. My lawyer, stay down. She never got a chance to hear my side of the story. We was divided. She had fish fries and cookouts for my child's birthday. I ain't invited. Despite it, I show her the utmost respect when I fall through. All you do is defend that lady when I call you. Yeah, yeah. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. Me and your daughter say it's puppy love, we say it's foreground. Hope that we feel this way forever. You can plan a pretty picnic, but you can't predict the weather. It's Jackson 10 times out of 9. Now if I'm lying, fine. The quickest muzzle, throw it on my mouth and I'll decline. King meets queen, then the puppy love thing. Together dream about that crib with the Goodyear swing. On the oak tree, I hope we feel like this forever. Forever, forever, ever, forever, ever. Forever never seems that long until you're grown. And notice that the day-by-day ruler can't be too wrong. Miss Jackson, my intentions were good. I wish I could become a magician to abracadabra all the sadder. Thoughts of me, thoughts of she, thoughts of he. Asking what happened to the feeling that her and me had. I pray so much about it, need some knee pads. It happened for a reason, one can't be mad. So know this, know that everything's cool. And yes, I will be present on the first day of school and graduation. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. Look at the way he treats me. She look at the way you treat me. Skillin' no homegirl, they got assin' up the creek, G. Without a pad on, you left to straddle and ride this thing on out. And the union girl ain't speaking no more, cause my call and I'm out. So I'm talking about jealousy, infidelity can be cheating, beating. And the N to the G, they be the same thing. But who you placing the blame on? You keep on singing that same song. Let bygones be bygones, you can go and get the hell on you and your mom. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Skyrock Classics. Qui est dans la plaza? Qui est pas ça? Ouh là là, mais c'est quoi ça? Sortez les calculettes, elles sont des gros chiffres, des gros chiffres. Allez, jouons ensemble, tu comprends pas ces tarifs. Je veux pas qu'on joue ensemble, associable comme mon fils. Je n'attends aucune reconnaissance des showbiz. Le rap est trop pisse, le mien sans pitié. J'ai mon plan, vois-moi comme l'architecte qui a construit ton quartier. Kamikaze comme les japs sans perdre la porte. Mon stylo s'affole comme les aiguilles de mon tableau de bord. J'ai poussé mon premier cri en pleine lune sous l'équateur. Ma vengeance est fraîchement sortie du congélateur. J'ai qu'un visage plutôt révélateur. J'ai beau être fédérateur, je peux pas aimer tout le monde, j'ai qu'un cœur. Ils ont peur, je vais les traumatiser. Un loup dans une bergerie quand je roule sur les Champs-Élysées. On n'est plus des chiens de la casse. Ni ton poule, ni ton osé. Ni ton poule, ni ton osé. Je peux atteindre la grande classe. La classe. J'suis en mode avec les reins frais. Quand on arrive, on prend toute la place. La place. On soit libre pour vrai. Numéro 1, on me réveille avec la grande classe. J'oublie notre ligne de conduite. Ce qui est rare et cher, donc leur musique devrait être gratuite. Hermétique au Star System, j'ai les piles du rap game. C'est le concentré des caractères des banlieues parisiennes. Scotché au pavé, on est fait pour taffer. Tout rafler, te baffer et braver des obstacles. Te tac au cou, j'assure le spectacle. Ceux qui veulent clash sont fous. Toi, fumer du crack, j'crache ma couleur dans ta radio comme dans une partout. Pose mes boules sur la table, les trimbales partout. Je dis non à tout, non à tout. J'suis berger de mes thunes. J'ai beau brosser la langue, on a l'aine sur le tube. Ces paroles sont fières de sortir de ma bouche. Comme une groupie de ma touche. Moi, Merco, d'un fond de ma louche. Les tubs changent de bouche. Pour l'ouverture, tout le monde tire la couverture. Aucune somme, aucun boule ne me perd. Trop fier, trop frais. Trop fier, trop frais. On n'est plus des chiens de la casse. Ni ton poule, ni ton osé. Ni ton poule, ni ton osé. Je peux pas atteindre la grande classe. Classe. J'suis en mode avec les refrains. Quand on arrive, on prend toute la place. La place, on soit libre pour vrai. Numéro 1, on me réveille avec la grande classe. La grande classe. J'ai pas changé, fuck ceux qui m'aiment pas. J'pèse pas mon froc, mais le remonte jusqu'au bec comme Papa Wemba. Comprennent pas pourquoi je suis sûr de moi. Ils disent des choses sur moi, les gens comptent sur moi et moi, je prends sur moi. J'ai fait d'un squat là où personne ne m'attend. Et s'ils ne rentrent que les thugs, loin des keufs qui veulent nous entendre. Mon univers n'est qu'un repère de vrai. Plus spontané qu'un tueur né dangereusement frais. Le plus titré, le plus jaloux, c'est toujours posé. En train de poser, pas le temps de causer, ni de se reposer. Mais disposé à t'exploser, son névrose est plus diffusée. V'là l'été légère au fusée, moins exposé. La gloire me court après, elle veut m'épouser. C'est pas l'année des moutons, ni des mythos. Mais Dieu comme Oriano, flow, technicien comme Cristiano. Mon son une catastrophe naturelle. J'rappe en conditionnel. La liberté, je vais lui mettre jusqu'au bout du tunnel. Trop frais. On n'est plus les chiens de la classe. Ni ton poule, ni ton osier. Ni ton poule, ni ton osier. Je peux atteindre la grande classe. Je suis en mode avec les refrains. Quand on arrive, on prend toute la place. On soit libre, pour vrai. Numéro 1, on me réveille avec la grande classe. Avec la grande classe. Trop frais. On n'est plus les chiens de la classe. Ni ton poule, ni ton osier. Ni ton poule, ni ton osier. Je peux atteindre la grande classe. J'suis en mode avec les refrains. Quand on arrive, on prend toute la place. Place. On soit libre, pour vrai. Numéro 1, on meurt et vit avec la grande classe. Skyrock Classics, tous les dimanches, 18h-20h sur Skyrock. What it do, baby boy? Yeah, little mama, you looking good. I see you wanna play with a player from the hood. Come holler at me, you got it like that. Big Snoop Dogg with the lead pussycat. I show you how I go that. Yeah, I wanna throw that. Me and you, one-on-one, treat it like a show that. You look at me and I look at you. I'm reaching for your shirt, what you want me to do? Pussycat. Now roll with the big dog. All six of y'all on me. Now tell me how I feel, baby doll. Ashley, Nicole, Carmi, Jessica, Kimberly, Melody, you telling me?

cause you got me feeling like this. Oh, why? Love it while grabbing the rhythm, your hips. That's right. Rhythm is a dancer, I need a companion. Girl, I guess that must be you. Body like the summer, fucking like no other. Don't you tell them what we do. Tell him, don't tell him, don't tell him. You ain't need, don't tell him, don't tell him. You ain't need, you ain't even gotta tell him, don't tell him, don't tell him. 9348616. I got a missed call from your bitch. She been plotting on me for a good minute. She wanna suck my dick and afford it. I like her in the shower when it's winter fresh. There's some Twitter pussy, I met her on the internet. On my late night thirsty, cause it was late night and I was thirsty. Girl, I been to that county, girl, I ain't telling. Handcuff you to that bed, girl, it ain't no belly. I keep a stack of hundreds, I can keep a secret. If anything, you was exploring, you wasn't cheating. She got my number stored under fake names. Her nigga think she favor, but she run the game. Yolo, so take me out these polos, and we can fuck from uno to ocho. Only is you got me feeling like this. Oh, why? I love it while grabbing the rhythm, your hips. That's right. L'émission Skyrock Classics tous les dimanches, les meilleurs sons de Skyrock depuis qu'on est passé premier sur le rap, à se faire, à se refaire, à découvrir pour les plus jeunes d'entre vous, Jeremiah et Don't Tell. Bon, ça c'est facile, c'était assez récent comme son quand même. Il y a un programme de haut niveau ce soir à partir de minuit, c'est Rai Suprême, à partir de 21h c'est Diffoul Radio Libre, et à partir de maintenant c'est Stéphane pour le Hit US, le classement des 10 titres rap R&B les plus vendus aux États-Unis cette semaine. Ouais, c'est parti, quels sont à tout déchirer aux États-Unis cette semaine. La semaine dernière, je te le rappelle, c'était Florida qui était classé numéro 1 avec My House. Pas mal. Est-ce que ça a bougé ou pas cette semaine? Et bah ouais, va-t-il conserver la première place? C'est ce qu'on découvre tout de suite. Ciao Steph. Allez, c'est parti. 14h à New York, 11h à Los Angeles.